Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. On me pose souvent la question, qu'est-ce qu'un public populaire? Mon Dieu, c'est une des questions à laquelle il est peut-être le plus difficile de répondre. Ah, le Théâtre National Populaire, Jean Villard à Chaillot, chacun connaît. Mais en fait, l'aventure a commencé bien avant, dans un hameau des Vosges, à Bussan, en août 1895. Sur une scène à flanc de colline, des comédiens jouent devant des spectateurs debout dans la prairie. Pour beaucoup, c'est une première expérience théâtrale. Maurice Potcher, fondateur de ce théâtre du peuple, a pour devise « Par l'art, pour l'humanité », avec des majuscules à « peuple » et à « humanité ». Potcher est né ici en 1867, 28 ans plus tôt. Sa passion, c'est le théâtre, et il veut la faire partager. Il souhaite un spectacle moral. Je cite « Par le choix des sujets, la gravité des émotions tragiques, ou par la sincérité de son rire, par le caractère de fête qu'il donnera à ses spectacles, enfin par l'espèce de fraternité qu'il recréera entre les classes diverses. Uni par lui, dans une émotion commune, ce théâtre sera un éveilleur de conscience. » Le théâtre, un éveilleur de conscience? Voilà une formule qui me plaît. Elle crée des responsabilités pour tous ceux qui sont partie prenante à la vie théâtrale. Les spectacles sont gratuits pour les plus démunis. Les acteurs acceptent de n'être que peu ou pas payés. La salle se construit progressivement en bois. Le toit n'est posé qu'en 1924. Le 1er septembre 1895, je fis représenter sur un palier de la montagne, voisin de ma maison familiale, une pièce en trois actes, Le diable marchand de gouttes, semi-comique et semi-tragique. Elle fit encore plus de bruit et marqua la naissance de ce théâtre nouveau. Dès cette date, le théâtre du peuple était donc fondé. Pour créer un répertoire, Maurice Potcher s'inspire du contexte vosgien. De la pièce moralisatrice à la fresque biblique, de la féerie à la tragédie, tous les genres sont abordés. Et même Jeanne d'Arc, la Lorraine, n'est pas oubliée. Romain Rolland lui dédie le Théâtre du peuple, un ouvrage de réflexion écrit en 1903. Il faut, selon lui, par le théâtre, rallumer l'héroïsme et la foi de la nation aux flammes de l'épopée républicaine. À Paris aussi, on rénove l'art dramatique. André Antoine, dans son théâtre libre, accueille les auteurs naturalistes comme Zola et propose ses mises en scène réalistes. Jacques Copeau, au théâtre du Vieux Colombier, renouvelle le jeu des comédiens. Firmin Gémier crée dès 1911 un théâtre national ambulant. C'est un succès populaire, aux recettes insuffisantes. L'expérience s'arrête, mais elle nourrit la création, en 1920, du Théâtre National Populaire, le TNP, qui veut être l'église sociale où, par le culte de tous les arts réunis, le peuple doit prendre conscience de ses destinées. Gémier le dirige jusqu'en 1933. Mesdames, messieurs, la représentation commencera dans 5 minutes. Qu'est-ce que le Théâtre National Populaire? Eh bien, le mieux serait de le lui demander. Mais à qui? Mais au TNP, pardi. Jean Villard dirige le Festival d'Avignon quand Jeanne Laurent, responsable des spectacles au ministère de l'Éducation, le nomme en 1951 au Théâtre de Chaillot, là où Gémier précisément avait créé le TNP. Il décide d'en reprendre le nom et exprime son ambition, réunir dans les travées de la communion dramatique le petit boutiquier de Suresnes et le haut magistrat, l'ouvrier de Puteau et l'agent de change, le facteur des pauvres et le professeur agrégé. Pendant 12 ans, il connaît un immense succès critique et de fréquentation. Les mises en scène de Villard, épurées et lisibles, rassemblent Gérard Philippe, Philippe Noiret, Daniel Sorano, mais aussi Maria Cazares, Christiane Minazzoli ou Jeanne Moreau. Aujourd'hui, c'est peut-être le Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine qui incarne le mieux l'esprit du théâtre populaire. Un lieu adaptable et convivial, la cartoucherie de Vincennes. Des textes inédits, créations collectives, ou dus à une écrivaine fidèle et de talent, Hélène Tixou. Une réflexion permanente sur le rapport entre le théâtre et son public, voilà des éléments de la tradition du théâtre populaire. Ariane Mnouchkine y ajoute la fidélité à l'héritage de Copeau, une ouverture aux formes théâtrales de l'Asie et la capacité d'émerveillement de l'enfance. Mais je connais aussi, près de chez moi, en Anjou, à La Fontaine Guérin, un nouveau théâtre populaire qui joue chaque été avec de jeunes acteurs des pièces magnifiques, sur une scène en bois, dans un champ. Seul le carillon de l'église vient ponctuer les tirades d'Œdipe au soleil couchant.